Piste 5. 4. C. Bon, avec deux étoiles, deux cœurs ou $2, on gagne de 5 à 10 000 euros. On peut gratter 5 numéros. Quel est ton numéro fétiche? Moi, c'est le 9. On gratte le 9? D'accord. Oh, rien. Ça ne correspond pas. À moi. Je gratte le 4. Ok, le 4. Un cœur, génial. Le 18. Allez, le 18. Non, rien. Alors le 6? D'accord, le 6. Ah, on n'a pas de chance. Un dernier. Et le 10? Je gratte le 10. Tu es sûr? Oui, gratte. Le 10. Oui! On a un cœur! Et avec deux cœurs au total, on gagne 100 euros. On a gagné! C'est notre jour de chance!